à 86, je suis peinard ou violent. Quand y'a un mariole qui débarque sur la piste, je perds mon tempérament. Derrière moi, il me fait des appels de phare pour m'obliger à me ranger. Non mais vraiment, qui se pense connard? Je ralentis pour le faire chier. Comme de bien entendu, il double par la droite, j'accélère un tant soit peu. Quand soudain je transpire, mes mains sont moites, un flagelle m'éblouir les yeux. Je suis un fou du volant, mais je me soigne, je prends les calmants. Je suis un fou du volant, j'injurie les chauffards, les grands-mères, les passants. Je suis un fou du volant, faut pas me faire chier, sinon je t'envoie direct dans le fossé. L'autre jour, alors que je sortais du dentiste et traversais la rue, y'a un sale abruti d'automobiliste qui a failli me rentrer dans le cul. Énervé, je fonce tout droit vers ma caisse pour me lancer à sa poursuite. J'enfonce le champignon, je serre les fesses et ma tire démarre de suite. Une fois lancé dans mon bolide à pleine vitesse, je commence à me rapprocher. Quand soudain un blaireau de passant qui traverse, je l'envoie voltiger. Je suis un fou du volant, mais je me soigne, je prends les calmants. Je suis un fou du volant, j'injurie les chauffards, les grands-mères, les passants. Je suis un fou du volant, faut pas me faire chier, sinon je t'envoie direct dans le fossé. Faut quand même que je vous raconte la fin de mon histoire, de mes aventures foireuses, de tous mes déboires. Un soir sur une route déserte, j'arrive derrière une mamie. Elle avance pas un pète, alors c'est prendre-moi la folie. Je monte à sa hauteur, je l'injurie violemment. Elle n'en a rien à foutre, je vois pas le tournant. J'étais fou du volant, incontrôlable, mon tempérament. J'étais fou du volant, j'injuriais les chauffards, les grands-mères, les passants. J'étais fou du volant, on m'a fait chier, et je suis parti direct dans le fossé. Paf.